Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة La prophétie de Harun عليه الصلاة والسلام Qui est Harun? Harun est le frère de Moussa, alayhi salat wa salam, de père et de mère. De ce fait, c'est un descendant lui aussi de Yaqub et un descendant d'Ibrahim, alayhi salam. Nous avions évoqué dans le cours précédent que Moussa, alayhi salat wa salam, qui était encore à Madian, voulut rejoindre les siens en Égypte, et cela sans se faire remarquer. Depuis 10 ans qu'il avait quitté l'Égypte et qu'il n'avait pas vu sa mère, sa sœur et son frère, ces derniers lui manquaient terriblement. Il quitta donc Madian en compagnie de son épouse et il fut dit aussi de ses enfants. Ceci je le mets au conditionnel car cela est rappelé par les gens du livre et non dans le Coran ou la Sunna authentique, à savoir que Moussa avait des enfants. Il se dirigea vers l'Égypte et en cours de chemin, en pleine nuit dans le désert, il perdit son chemin. Lorsqu'il aperçut au loin un feu, il prit le soin de laisser sa famille à l'arrière et alla trouver ce feu, espérant ainsi en prendre un tison pour se réchauffer ou encore demander le chemin et la route. Lorsqu'il s'approcha du feu, Allah subhanahu wa ta'ala lui parla, lui annonça sa mission future et le raffermit en lui montrant 2 signes qu'il devra faire valoir devant Pharaon afin de crédibiliser son message. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe des paroles de Moussa à cet effet dans la sourate numéro 28, les versets 33 à 35. قال الله جل وعلا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون Seigneur, dit Moussa, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire. Ainsi, il confirmera la véracité de mon message. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Allah tabaraka wa ta'ala lui répondit alors, nous allons par ton frère te prêter main forte et vous donner à tous deux des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes, c'est-à-dire nos miracles. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. L'imam Ibn Kathir, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, a dit, Allah subhanahu wa ta'ala informe de la réponse de son serviteur et des messagers Moussa, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il lui ordonna de se rendre chez son ennemi, pour lequel il quitta l'Égypte, afin de fuir son oppression et son injustice. Ceci lorsque Moussa tua le copte. C'est pourquoi il dit, Seigneur, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire, comme soutien, comme aide, pour confirmer la véracité de mon message, je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. C'est-à-dire, fais de lui un second, un soutien et une aide pour moi, afin qu'il m'assiste et m'aide à leur transmettre ton message, car il est plus éloquent que moi et plus clair dans ses propos. Allah répondant à sa demande lui dit alors, nous allons par ton frère te prêter main forte et vous donner à tous deux des arguments irréfutables, autrement dit des preuves. Ainsi, ils ne sauront vous atteindre, c'est-à-dire qu'ils ne pourront vous causer aucun tort, car vous viendrez avec nos signes, et certains savants ont dit, grâce à la bénédiction de nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Fin de citation. On remarquera à travers les paroles de Moussa alayhi salat wa salam qu'il eut deux craintes. La première, une crainte sur les représailles de Pharaon du fait qu'il tua un copte. Et ceci lorsqu'il dit, Seigneur, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. La deuxième crainte, c'est le fait d'être démenti par Pharaon et les siens lors de la transmission du message divin. Lorsqu'il dit, je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Allah subhanahu wa ta'ala répondit alors à son messager pour chacune de ces deux craintes et il les honora, lui et Haroun, par une troisième chose. Allah tabaraka wa ta'ala leur répondit en disant, ils ne sauront vous atteindre. Fala yasiluna ilaykuma. Cela leva leur crainte vis-à-vis d'éventuelles représailles de Pharaon et ses soldats. En effet, Pharaon aurait pu le tuer, lui et son frère, car il en avait la capacité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'en détourna. Deuxième crainte, Allah tabaraka wa ta'ala y répond en disant, nous allons par ton frère te prêter main forte. Et cela leva leur crainte sur le fait qu'ils soient démentis dans le message qu'ils porteront. Puis Allah tabaraka wa ta'ala les a honorés par une troisième chose qu'ils n'ont pas demandé. Allah leur dit, et je vous donnerai à tous deux des arguments irréfutables. Cela montre aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de Haroun un complément dans la prédication de Moussa alayhi salatu wa salam et non une personne qui viendra se substituer à lui. Car le message sera porté principalement par Moussa alayhi salatu wa salam et quand le besoin s'en fera sentir, Haroun viendra le suppléer et l'aider dans cette tâche. Il y a une autre remarque ici importante à souligner. On retrouve dans ces épisodes, dans cette situation, des similitudes avec le récit de notre prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Similitudes entre Moussa et Mohammed, dont nous avons déjà fait allusion en introduction des cours sur le prophète Moussa alayhi salat wa salam. En effet, la révélation leur est venue subitement, tous deux, dans la caverne de Hira pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et près du mont Sinaï pour Moussa, alayhi salat wa sallam. Aucun des deux ne s'y attendait. Ils furent tous deux envahis de crainte. Allah, subhanahu wa ta'ala, les raffermit tous les deux, et ils furent tous deux envoyés vers leur peuple pour porter le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et enfin, Allah les protégea contre leurs ennemis. De même, nous avons, dans la sourate 20, versets 24 à 36, un peu plus de détails concernant cet épisode, cette discussion entre Moussa et son Seigneur. Allah dit tabaraka wa ta'ala, « Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toutes limites. Moussa dit alors, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Et dis-nous un nœud dans ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles. Et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère. Accrois par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous et notre situation. Allah dit alors, tes demandes seront exaucées, ô Moussa. après lui avoir montré des signes et des miracles évidents. La main qui est ressortie toute blanche et le bâton qui s'est transformé en serpent, Allah ordonna à son messager de se rendre auprès de Pharaon afin de le raisonner et de le guider vers la vérité. Moussa alayhi salatu wa salam implora son Seigneur subhanahu wa ta'ala de lui ouvrir la poitrine. « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine. » Et ceci afin qu'il puisse endurer et supporter d'éventuels préjudices et que son cœur ne se pervertisse pas si cela devait arriver. Que sa poitrine ne se resserre pas, car si tel était le cas, il ne saurait guider les gens vers la vérité et son message. Un messager doit être clément, compatissant, patient et doit savoir garder son sang-froid dans n'importe quelle circonstance. C'est ainsi que les gens seront plus à même d'accepter son message et sa prédication. Puis Moussa alayhi salat wa salam demanda qu'Allah lui facilite son affaire en disant « Et facilite ma mission dans toute chose que je ferai dans ton sentier et facilite-moi toute difficulté que je pourrai rencontrer. » Parmi les formes de facilité est que le messager agisse de la meilleure des manières, au moment opportun et en s'adressant aux gens par des paroles efficientes et touchantes, chacun selon son cas et sa situation, les appelant à suivre son message par les plus simples et les plus directes des paroles. Puis, il lui demanda une troisième chose, en disant « Dénoue un nœud en ma langue. » Car en effet, Moussa alayhi salat wa salam était dur à comprendre lorsqu'il parlait. Et c'est pour cette raison qu'il dit « Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. » Il demanda donc à Allah subhanahu wa ta'ala de dénouer ce nœud dans sa langue afin qu'il puisse se faire comprendre. Puis il demanda une quatrième chose en disant « Et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun mon frère, c'est-à-dire un assistant, un soutien qui me soutiendrait dans ce message divin porté aux Égyptiens. » Donc il lui demanda qu'il soit son frère Haroun alayhi salat wa salam au titre de la bonté accordée aux proches. Puis il demanda une cinquième chose en disant « Et associez-le à ma mission. » c'est-à-dire à la prophétie, à savoir d'en faire un messager et un prophète comme moi. À la suite de ces demandes, Moussa évoqua le grand bienfait derrière toutes ces demandes en disant « Afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. » Moussa alayhi salat wa salam sut que toutes les adorations et même toute la religion sont axées sur l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il implora donc Allah de l'épauler par son frère, afin que les deux puissent s'entraider à la bonté et à la piété, et qu'il puisse multiplier l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, célébrer sa pureté et autres parmi les formes du louange. Allah jalla wa ala répondit à l'ensemble de ses demandes étant donné la place éminente qu'occupait Moussa alayhi salat wa salam auprès de lui. De plus, l'imam Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala souligne le fait que Moussa alayhi salat wa salam avait une parfaite connaissance d'Allah. Il était très perspicace et soucieux de faire le bien. Car il savait que si la personne invitée à la vérité était orgueilleuse et têtue, à l'instar de Pharaon, il fallait que le prédicateur jouisse d'une poitrine élargie et d'une mansuétude pleine pour supporter torts et préjudices, d'une langue éloquente afin d'exprimer ce qu'il souhaite et désire. Et d'ailleurs, l'éloquence dans cette situation est une caractéristique des plus essentielles, surtout si un dialogue ou un débat venait à survenir et aussi pour le fait de pouvoir, durant cette occasion, embellir la vérité dans le cœur des gens et en les dire le faux dans leur cœur afin que les gens s'en détournent. Il savait aussi que le prédicateur avait besoin du secours d'Allah et de son soutien, à savoir qu'il dise les bonnes paroles au bon moment, selon la capacité de compréhension de chacun, qu'il prodigue de bonnes exhortations aux gens, profitables et bénéfiques. Comme il savait que tout cela nécessite un soutien et un renfort, car la voix de deux personnes est plus efficiente que la voix d'une personne isolée, Allah tabaraka wa ta'ala lui accorda comme soutien son frère. Et Allah tabaraka wa ta'ala répondit au-delà de ça à toutes les demandes que Moussa lui adressa. L'imam Sa'di de continuer de dire « Si tu regardes le cas des messagers, tu les verras avec ses caractéristiques, notamment le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad, qui a atteint le paroxysme en matière de noble qualité chez un être humain. Il possédait cette poitrine élargie, ce soutien d'Allah, cette éloquence, et il avait des soutiens sur la vérité tels que les compagnons et ceux qui les ont suivis, comme il n'en fut donné à aucun autre prophète. Fin de citation. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, revient sur les versets précédents et dit « On rapporte que Moussa, alayhi salat wa salam, avait un défaut d'élocution parce qu'enfant, il s'était brûlé la langue avec une braise. Un jour, Pharaon voulut éprouver son intelligence, car il lui avait tiré la barbe. D'ailleurs, il avait voulu le tuer bien auparavant, mais son épouse lui rétorqua « Ce n'est qu'un enfant. » Donc, Pharaon voulut l'éprouver. Il l'éprouva en mettant devant lui une datte et une braise. Moussa allait prendre la datte, mais un ange détourna sa main vers la braise qu'il prit et mit sur sa langue, ce qui provoqua ce défaut d'élocution. Moussa demanda donc à Allah de lever une partie de ce défaut suffisamment pour qu'il puisse se faire comprendre, mais sans pour autant demander qu'il disparaisse totalement. L'imam Hassan al-Basri, rahimahullah tabarak wa ta'ala, a dit « Les prophètes ne demandent qu'en fonction de la nécessité, ni plus ni moins. C'est pourquoi le défaut d'élocution de Moussa ne disparut pas totalement. Et c'est pour cela que Pharaon, qu'Allah l'enlédisse, voulut rabaisser Moussa lorsqu'il dit أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين dans la sourate 43, le verset 52, ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer, en reprenant ce défaut d'élocution de Moussa alayhi salat wa salam. C'est-à-dire qu'il ne sait pas exprimer clairement ce qu'il veut ou communiquer ses pensées et ses sentiments. Moussa alayhi salat wa salam dit ensuite وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُجْدُدَ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيكَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى Sourate 20, les versets 29 à 36. Et assignez-moi un assistant de ma famille, Harun, mon frère, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah dit alors, ta demande est exaucée au Moussa. Ce sont les versets que nous avons expliqués un peu auparavant. Ibn Kathir dit en commentaire de ces versets, « Nous t'accordons tout ce que tu as demandé. » C'est en raison de sa noblesse auprès de son Seigneur, lorsqu'il demanda que son frère Harun reçoive la révélation. C'est là, certes, un grand honneur. Puis Allah dit de Moussa, alayhi salat wa salam, « وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا » La sourate 33, le verset 69. « Car il était honorable auprès d'Allah. » Et Allah dit, « Tabaraka wa ta'ala » dans la sourate 19, le verset 53, « وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا » Et par notre miséricorde, nous fîmes de son frère Harun un prophète. L'imam Ibn Kathir rapporte un athar, c'est-à-dire une tradition de Aïcha, sans chaîne de transmission. Donc cette parole de Aïcha est à prendre au conditionnel. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, aurait entendu un homme dire aux gens qui se rendaient au pèlerinage « Quel est l'homme qui fait preuve du plus de bonté envers son frère ?» Les gens se turent, ne sachant la réponse. Et Aïcha radiallahu anha dit alors aux gens autour de son palanquin, le palanquin c'est l'espèce d'habitacle qu'on mettait sur le dos des chameaux, afin que les femmes puissent voyager à l'intérieur sans être sujettes au regard des gens. Alors qu'elle était dans son palanquin, elle répondit. Et elle dit, c'est Moussa, fils de Imran. Lorsqu'il intercéda pour son frère Haroun et qu'il reçut la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et par notre miséricorde, nous fîmes de son frère Haroun un prophète. C'est ainsi que Haroun, alayhi salam, deviendra un prophète au même titre que Moussa alayhi salat wa salam, et nous entamerons inshallah tabarak wa ta'ala dans le prochain cours cette fameuse rencontre avec le pharaon et tous les événements qui suivront par la suite inshallah tabarak wa ta'ala. Nas'Allah jalla wa ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa nas'aluhu tabarak wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته